Le journal Rodong Sinmun a inséré le 16 novembre un éditorial titré « Félicitations chaleureuses au maire qui assure l'avenir de la Corée socialiste ». Il a écrit « Au cours de la longue histoire de notre révolution, les maires ont fait preuve du patriotisme et de la fidélité en surmontant toutes les épreuves avec la ferme volonté et en partageant le sort avec le parti. Toutes les maires sont appelées à faire honneur à leur titre de femme révolutionnaire et de fleur de l'époque dans la marche générale pour la victoire finale de l'éducation d'une puissance socialiste sous la direction du respecté camarade Kim Jong-un. »